Radio. Radio. Bienvenue pour cette nouvelle session des Pixels plein la tête, l'émission musicale qui entend partager avec vous, et au-delà de l'image, quelques-unes des compositions les plus intéressantes du paysage vidéoludique. Ou, plus simplement, comment découvrir le jeu vidéo d'une autre manière. Pour cette nouvelle session, un programme ô combien séduisant, avec du rock résolument vigoureux puis aérien, de l'acoustique évidemment intimiste, du classique enjoué et, enfin, pour achever la séance, un morceau soul totalement sublimé par la voix de son interprète. Un détail important, je ne mentionnerai pas les titres, vous laissant ainsi libre d'apprécier simplement la musique ou, plus amusant, de deviner les jeux qui peuvent se cacher derrière telle ou telle composition, certaines étant tout de même relativement faciles. Bien sûr, par respect pour l'excellence de leurs œuvres, je vais citer dans l'ordre les différents artistes de cette session. Elizabeth McGlynn, Suzumi Baki, le London Philharmonic Orchestra, Noriiko Ibino et enfin Cynthia Harrell. Et je rassure les plus curieux tout de même, une liste détaillée avec le nom des jeux sera disponible. Alors si, comme moi, les pixels et les notes s'entremêlent et virevoltent dans votre tête, n'hésitez plus, ouvrez grand les oreilles. On est parti, je ne parle plus, et vous laisse apprécier. Blue sky to forever, the green grass blue. Thank you. I give my love.